Oh là là, j'adore sa jupe. Oui, elle est sympa, mais je n'aime pas trop la couleur. Mais le sac à main est très beau. Oui, le cuir est magnifique. Regarde le manteau rouge. Oh, je voudrais le même. Oui, et avec la petite ceinture rouge, c'est très joli.